voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. La voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence pour pas à pas vivre le changement. Dans cette émission, Pierre Rabhi prend la parole et partage avec nous la réflexion qu'il a amenée sur le chemin de la sobriété heureuse. La grande défaillance du genre humain, c'est qu'il donne beaucoup plus d'importance à la mort par les armements, par cette créativité humaine et ce génie humain consacré à la destruction et à la mort qu'à la vie. Et nous sommes même dans l'inverse, c'est-à-dire qu'il détruit la vie, mais il exalte la mort. Et donc du coup, on est au croisé des chemins où le choix que doit faire l'espèce humaine est un choix absolument déterminant pour le futur. C'est la raison pour laquelle je me suis immédiatement mis dans comment défendre la vie. L'écologie, c'est pour moi, c'est ça, et rentrer dans une espèce d'humanisme. Alors tout ça, ça a nécessité un processus particulier, parce que quand j'étais à Paris, exilé de mes deux cultures pour essayer de trouver un travail, je suis allé dans une entreprise et j'ai pu constater que, en fait, je n'avais pas acquis des qualifications utiles au système. Je m'étais beaucoup trop occupé de... Je pouvais faire une bonne dissertation sur Socrate, mais ça ne semblait pas du tout intéresser mon employeur. Et je me suis retrouvé dans ce microcosme de gens qui sont là, qui travaillent. Et à un certain moment, j'ai eu l'impression vraiment très forte que tout ce qu'on me demandait dans ma vie, c'est de troquer ma vie contre un salaire. On allait me garantir un salaire à vie à la condition que je donne ma vie. Et là, non. Ça n'a pas été un deal qui m'a intéressé, évidemment, parce que vivre, c'est pas... Je ne me sens pas né pour le produit national brut, ni pour la croissance économique. Je me sens né pour vivre. Et donc en partant de ce constat, vous choisissez de vous retourner vers la vie, vers le vivant, et de faire un peu un retour à la Terre. Oui, je fais un retour à la Terre, et en même temps avec un sentiment que l'entreprise était un lieu où étaient incarcérés les gens. Et que cette incarcération me paraissait totalement non justifiée par la vie elle-même et justifiée uniquement par un système. Et en même temps, tous ces gens qui étaient enfermés, c'est leur choix. Moi, je n'ai pas de leçon à leur donner. Mais pendant ce temps-là, le soleil se lève, se couche, il y a la splendeur de la vie, il y a de la splendeur des nuits, des étoiles, de la beauté des forêts, etc. Mais il n'y a personne pour admirer. Tout le monde est enfermé incarcéré dans un monde minéral, c'est-à-dire prisonnier d'un monde minéral. Et c'est pour ça même que j'ai essayé de donner ce qu'on pourrait appeler l'itinéraire d'un être humain dans la modernité. D'un côté, la modernité proclame la libération. Et de l'autre côté, la modernité incarcère, parce que de la maternelle à l'université, on est enfermé. Aujourd'hui, on travaille dans des boîtes, des grandes boîtes, des petites boîtes. On s'amuse en boîte, on y va dans sa caisse. Enfin, il y a la boîte où on met les vieux et puis jusqu'à la dernière boîte que je vous laisse deviner. Donc, si vous dire l'itinéraire d'un être humain qui est censé être libéré par la modernité est au contraire incarcéré. Et donc de cette incarcération, quand on s'est rencontré avec Michel, on l'a refusé et on a dit on va aller dans une aventure qui nous permettrait finalement de saisir notre vie et de faire de notre vie ce que nous ressentons devoir faire de notre vie et non pas ce que le dictat d'un système nous impose. Alors c'est pour ça qu'on a fait ce retour à la Terre en 1961. Quitter la ville et puis on a demandé s'est un peu informé sur où nous pourrions réaliser ce retour à la Terre et voilà de, On a eu quelqu'un qui nous a parlé d'un médecin en Ardèche qui serait peut-être susceptible d'être intéressé et de nous aider. C'est ce que nous avons fait, nous avons écrit ce médecin et c'est pour ça que nous nous sommes retrouvés en Ardèche. Et donc là, le retour à la Terre, arrivé ici, quelle était l'idée, hein, d'aller vers une forme d'autonomie? Est-ce qu'on parlait déjà de sobriété heureuse à ce moment-là? Non, la notion de sobriété heureuse est venue après que j'ai constaté que la société même en agriculture était une société, disons, du productivisme. C'est productivisme, c'est-à-dire produire. Voilà. Et la production, et j'ai été ouvrier agricole, et cette expérience d'ouvrier agricole m'a en quelque sorte initié sur ce qu'était l'agriculture. Et le premier constat difficile et terrifiant que j'ai constaté, c'est que l'agriculture était fondée sur la chimie de synthèse. Et qu'il fallait des produits chimiques à mettre dans la terre, des produits chimiques pour défendre les végétaux contre les parasites ou pour les soigner. On utilisait des organophosphorés, des organochlorés, des poisons très très violents. Et ces poisons très violents rentraient dans la problématique de l'alimentation. Donc il y avait quelque chose qui ne concordait pas entre le fait d'utiliser massivement des produits toxiques, qui sont donc des produits mortels, pour produire de quoi vivre. Il y avait donc une contradiction. Et cette contradiction m'a beaucoup choqué. Et du coup, j'ai décidé que s'il n'y avait pas d'autre méthode qui respecterait la vie, qui respecterait la terre, j'abandonnerais le projet. Et puis heureusement, j'ai découvert qu'il y avait des méthodes, en particulier la biodynamie, à toutes ces approches écologiques qui partent du principe on ne va pas produire et détruire comme on le fait, mais on va produire et prendre soin. On va produire et améliorer. On va produire dans l'amour et non pas dans cette guerre qu'on déclare à la vie. Et voilà, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai trouvé mon chemin. Et à partir de là, je n'ai plus lâché ce chemin. Et c'est chemin faisant que j'ai pu finalement comprendre beaucoup de choses et qui m'ont amené à être un écologiste radical. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas demander à la Terre de nous nourrir et la détruire. On ne peut pas tout épuiser, tout polluer, tout dégrader et prétendre être des vivants. C'est-à-dire que ça nous transforme en parasites, une humanité parasite. Mais j'entends dans ce que vous dites, donc paysan, c'est prendre soin de la Terre, prendre soin du vivant. Et pourtant, j'ai l'impression que le mot paysan souffre d'une connotation négative. Souvent, les gens regardent de haut le paysan. La stupidité n'a aucune limite, donc ils regardent, qu'ils regardent, sauf que quand il n'y a plus rien à bouffer dans les villes, on se souvient toujours qu'il y a du cousin à la campagne, tout le temps. Parce que le paysan, quand il est un vrai paysan, je ne parle pas de l'exploitant agricole malheureusement qui est devenu un industriel de la terre et qui a perdu l'esprit fondamental du paysan. C'est plus un paysan, je le respecte, mais c'est plus un paysan. C'est tout sauf un paysan. Ce sont même des gens qui contribuent énormément à la destruction du vivant. Malgré eux, peut-être, j'en sais rien. Mais enfin, moi, je ne les juge pas, mais en tout cas, je ne peux pas les approuver. Voilà, et je les respecte en tant que personne. Sauf que l'activité agricole est devenue très agressive contre la vie. Et aujourd'hui, on détruit la vie. Et tout ce qui en découle, en quelque sorte, qui menace gravement, très très gravement, l'humanité tout entière. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de paysan, c'est-à-dire celui qui est vraiment le garant et le responsable de la vie, et qui prend soin de la vie, et qui prend soin de la terre, parce que la notion de terre-mère, moi je l'ai complètement intégrée. C'est celle dont parlent les Peaux-Rouges, par exemple, la terre-mère. Tous les peuples premiers ont eu une immense dévotion, un immense respect à cette terre auquel ils devaient leur vie. Et quand ils l'appelaient mère, ce n'était pas une métaphore, c'est une réalité. Alors que c'est vraiment une mère. Donc cette mère qu'on assassine, eh bien évidemment, je ne peux pas souscrire, si vous voulez, à cette démarche. Et je la trouve même très, très négative. Et aujourd'hui, tout ce qui concerne l'alimentation humaine, on rentre dans une phase qui va être extrêmement dangereuse, et des famines terrifiantes se préparent si on ne fait rien. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Il est normal et légitime que j'ai ce qu'il me faut pour ma survie. Mais si j'outrepasse trop ce qu'il me faut pour ma survie, c'est forcément au détriment de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que j'affame quelqu'un en prenant plus que ce qui me revient. Voilà. Et ensuite, on va comparer les humains à ce qui se passe dans la nature. Ça n'est pas vrai. Un lion, quand il a mangé une antilope, il digère son antilope, mais il n'a pas de banque d'antilope ni d'entrepôt d'antilope pour vendre aux copains. C'est la vie qui se donne à la vie, c'est tout. Et le pauvre lion, il faut bien qu'il mange. Et l'antilope elle-même, il faut bien qu'elle mange aussi. Et peut-être que l'herbe elle rouspète aussi. Enfin, je veux dire. Et donc, on est dans la loi de la vie, et c'est pour ça que je suis agroécologiste. Pourquoi je suis agroécologiste? Parce que dans le système de l'approche agroécologique, nous retournons à cette idée où rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le gaspillage. Et les déchets que je ramasse, que ce soit le fumier de mes animaux, la paille, les feuilles mortes, etc., tout ça, je le transforme en compost. Et ce compost, je vais le transformer en humus. L'humus, c'est l'élément clé de la vie, c'est l'élément du rebondissement. Humus, humanité, humilité, humidité, c'est la même chose. C'est le rebondissement de la vie. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je rentre dans la logique de la vie. Voilà. Et à ce moment-là, je soigne la terre qui me soigne, qui me nourrit. J'en prends soin pour moi-même et pour les générations qui vont arriver. C'est un peu à la fois ma mère, ma fille, mon amante. On fait l'amour avec la terre. C'est-à-dire que cette espèce de pulsion amoureuse qu'on a à l'égard de la terre, et en même temps c'est la fille, et en même temps sans elle je ne peux pas vivre. Donc il y a, voilà, c'est cela qui donne cette logique magnifique et qui donne une esthétique et une beauté à la vie. Pour en revenir à la sobriété, donc ce terme n'est pas nouveau, on parlait aussi de simplicité volontaire, on a entendu la décroissance. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces différents termes? J'étais dans la décroissance, mais j'ai renoncé à ce terme-là, parce que c'était toujours bon pour dire, structurellement, il faut maintenant arrêter la croissance pour revenir à la logique de l'équilibre. Je l'ai porté, mais il ne me satisfait plus du tout, parce qu'il évoque simplement l'antidote de la croissance. Et l'antidote de la croissance, c'est pas tellement ça qui m'intéresse aujourd'hui. Pour moi, la sobriété, c'est quelque chose qui relève d'une règle morale fondamentale et presque plus éthique et esthétique, et presque une ascèse ou restriction. C'est pas se serrer la ceinture, c'est simplement arriver à être dans un tel équilibre, une telle sensation de la valeur de la vie que voilà, on est dans cette sobriété parce qu'elle produit quoi? Elle est élégante, elle est magnifique. Et quand je prélève ce qui me revient, eh bien je suis, et qu'il est nécessaire que je le prélève parce qu'il faut bien que je vive, eh bien il y a quelque chose pour moi d'élégant, et en même temps ça crée cette satisfaction profonde. Il y a une petite anecdote comme ça. Il s'agit d'un pêcheur qui vient de finir son boulot, il a sa barque à côté, et puis il est là, tranquille. Et puis un monsieur très sérieux qui passe et qui lui dit, « Monsieur, la barque là-bas, c'est à vous ?» Il dit, « Oui. »« Oh, mais elle est petite. Vous pourriez en avoir une plus grande quand même. » Il dit, « Et après ?»« Ben après, vous allez pêcher beaucoup plus de poissons. » Et après ?» Après, vous allez gagner tellement d'argent que vous allez acheter un petit bateau. Et après, ben vous achèterez un plus grand bateau, vous embaucherez des gens. Ça va tourner du tonnerre, etc. Et après vous vous reposerez. Et ben c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Pour moi, ce n'est pas une petite anecdote, c'est une anecdote réaliste. Parce que nous sommes dans un monde du toujours plus indéfini. C'est ça la croissance économique, c'est-à-dire vouloir toujours plus, mais au fur et à mesure qu'on augmente la croissance économique, on augmente comme par hasard la misère des autres. Pourquoi? Parce qu'on a les capacités aujourd'hui de prélever bien plus comment peut-on comparer des gens qui vont pêcher avec un filet dérivant qui va ramasser, racler tout ce qu'il peut à côté du petit pêcheur qui lui cherche simplement à nourrir sa famille. Voilà. Donc c'est et la croissance économique, ça veut dire faire de l'argent. Et on fait de l'argent avec tout. On détruit la forêt pour faire de l'argent, on écume les mers pour faire de l'argent. Tout ce que nous faisons, c'est pour faire de l'argent. Et c'est là où il y a hiatus. Et c'est là où il y a nécessité de revenir à la juste mesure, de façon à ce que les biens de la terre d'abord se reproduisent, la nature. Il y a la faim dans le monde, mais la faim dans le monde ne devrait pas exister. Pas du tout. Parce qu'un seul grain de blé peut nourrir l'humanité tout entière. Et ce n'est pas une métaphore. C'est le pouvoir de la reproduction qu'a la nature, qui est gigantesque. Quand vous avez des kilos de tomates sur votre table, il faut savoir que c'est parti d'une graine, c'est tout. Pas plus qu'une graine, une seule graine, voilà, a fait ça. Mais j'en reviens à la sobriété heureuse, comment l'expliquer simplement? Le livre que j'ai écrit pour expliquer, justement, a été très bien accueilli, puisqu'on est à près de 300 000 exemplaires, alors que l'un essai, ça plafonne à 3 000, 4 000. Donc si c'est propagé comme ça, et que les gens ont conseillé à d'autres gens de lire La sobriété heureuse de Pierre Rabhi, etc., donc je me suis expliqué, et j'ai essayé de le faire. Et il y a aussi quelque chose qui est paradoxal en ce qui concerne ma petite personne, c'est que on dit de Pierre Rabhi, il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Et avec Michel, qui a été le courage incarné, courage féminin incarné, ben, nous sommes ici par notre volonté. Nous ne sommes pas ici par... Et Dieu sait, quand nous sommes arrivés dans ce lieu où vous êtes, eh bien, ce lieu, on l'a voulu. Donc, de Paris, on a voulu faire un retour à la Terre. Et puis, quand on a voulu acheter ici, à l'époque, il y avait beaucoup d'exode rural. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de propriétés disponibles. On peut dire disponibles, il y en avait beaucoup. Alors, on a cherché. On a trouvé des fermes magnifiques dans le sens de prospérité, avec tout ce qu'il faut, tracteurs, tout, des hectares et des hectares, etc. Et c'est pas ça qu'on a choisi. On a choisi ce lieu. Et ce lieu, nous avons vécu 13 ans sans électricité, 7 ans avec très peu d'eau. La terre, vous voyez comme elle est rocailleuse. Ces tas de cailloux que vous voyez, c'est des prélèvements de génération en génération pour pouvoir dégager un peu de terre. C'est tout. Et quand je suis retourné au Crédit Agricole pour dire voilà la ferme de notre... Et la réponse a été on ne peut pas vous prêter pour ça parce qu'on ne peut pas vous aider à vous suicider. Voilà. Et bien c'était la racine de la sobriété. Pourquoi ne pas avoir choisi? On était prêt à me prêter beaucoup plus d'argent en achetant une ferme importante. Et nous, on achète celle-là. Alors après, se pose le problème, pourquoi? Parce que c'est beau, c'est tout. Et la beauté, aujourd'hui, elle est exclue de la vie. On fait de l'esthétisme. On fait des choses... Voilà, les maisons n'ont plus d'âme. On a l'impression qu'on vit dans une espèce de caisse à vivre sans âme. On est loin de la nature, on n'est même pas foutu de voir d'admirer un coucher de soleil ou un lever de soleil. On est pendant 11 mois, on est là. Il y a un ami qui disait c'est 11 mois de coma et un mois de réanimation pour retourner un peu, faire quelques glissades sur la neige et aller un peu se bronzer sur la plage. Si c'est ça vivre, moi je ne critique personne mais moi c'est pas ça vivre. Je ne suis pas né pour ça. Je suis né pour être l'esclave d'un système qui me demande à la fois mon travail et qui me demande mon argent. En même temps qu'il demande mon travail, il me demande mon argent. Pourquoi? Pour créer des cartels internationaux qui accumulent tout, le résultat de l'effort de tout le monde, et qui finalement deviennent si puissants qu'ils déterminent le destin de tout le monde. Il y a à repenser l'existence sur cette terre. On en vient à se poser la question, existe-t-il une vie après la mort, mais existe-t-il une vie avant la mort? Parce qu'il faut bien définir un jour ce que veut dire vivre. Et moi, la façon dont nous vivons, pour moi, c'est pas ça, vivre. Si c'est ça, vivre, bah, il vaut mieux mourir, ça sert à rien. La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine, à retrouver en kiosque tous les deux mois.